Et donc, je remercie énormément Madame Robinson d'avoir accepté de nous parler à tous ici maintenant, de nous dire quelques mots de sa relation particulière à Jean Calvin. Donc, comme le titre l'indiquait, j'ai demandé à Madame Robinson de dire quelques mots sur Jean Calvin aux États-Unis aujourd'hui. Mais j'aimerais bien aussi qu'elle nous parle de Jean Calvin pour elle, encore une fois, sa relation personnelle à Jean Calvin. Et puis, moi j'aimerais que ce temps soit un temps convivial où vous puissiez tous participer. Donc si vous pouvez poser des questions, vous aurez un temps prévu pour ça. Et nous pouvons aussi tout à fait librement parler de l'actualité éditoriale de Madame Robinson, puisque son dernier roman est paru en français chez Actes Sud en octobre, sauf erreur, je crois, ou en septembre, septembre-octobre. Donc il y en a un certain nombre d'exemplaires qui sont ici en vente. C'est un partenariat que nous avons avec la librairie au Berlin. Et le deuxième roman de Madame Robinson est aussi là. C'est avec le deuxième roman, sauf erreur, que Madame Robinson a eu le prix Pulitzer, c'est ça? Et voilà, donc les livres sont là et nous pouvons aussi en discuter. Je pense, mon point de vue de lecteur, qu'un des points communs entre Jean Calvin et Madame Robinson tient à son rapport à la Bible. Je ne vous l'apprendrai pas, Jean Calvin a passé sa vie à commenter la Bible sous toutes ses formes, par la prédication, par le commentaire, par les leçons, par les conférences à la compagnie des pasteurs. La Bible occupe une place assez tout à fait considérable et centrale dans la vie et la pensée de Jean Calvin. Et en lisant Madame Robinson, je ne sais pas si vous avez eu déjà le privilège de le faire, mais il me semble que la Bible prend aussi une place assez considérable. Donc ça, c'est, je pense, un des points communs que je vois comme ça, qui me saute aux yeux entre Jean Calvin et Madame Robinson, mais voilà, elle pourra nous en dire un petit peu plus. Voilà. Je ne retiens pas la parole plus longtemps. Thank you. It's such a pleasure to be here. I enjoy so much the privilege of seeing the treasures that you have here. I love old books and I love the intensity that and the danger and all the rest that went into the making of those books. It's been very moving for me. C'est un vrai plaisir, c'est un privilège d'être ici, d'avoir pu se pencher sur ces livres et sur tout ce qui était mouvant, c'est de ressentir l'intensité, le sentiment du danger qui accompagnait la fabrication de ces livres à l'époque. Je fais juste un petit aparté, si vous me permettez. J'ai oublié de signaler aussi la présence de Simon Baril, le traducteur officiel de Madame Robinson. Donc qui... Pas interprète officiel. Voilà, c'est exactement. C'est... Oui. Donc j'ai... Du bricolage. Je l'ai un peu rattrapé par la manche. Donc voilà, il est effectivement traducteur littéraire. Et donc voilà, je le remercie d'avoir accepté cette tâche. I think I'll stand up. I like to see the people I'm talking to. I teach at the University of Iowa. I teach in a writing program, and every semester we teach a literature seminar, and often I teach Moby Dick. I have revered this book forever, and 19th century American literature in general, and often teach the other 19th century Americans also. And their writing is full of theology, full of theology. So I thought, finally, at last, it occurred to me to read the theology that Melville and others would have been in conversation with. And I read Calvin's Institutes. That was my initiation. Alors, Marine enseigne dans l'Iowa, elle est un atelier d'écriture le plus célèbre des États-Unis, j'ajoute, et depuis 20 ans. Et il y a, dans le cadre de cet enseignement, un séminaire sur la littérature. Et elle est très, très spécialisée dans la littérature du 19e siècle, et dont son livre favori qui est Moby Dick. Et à un moment de sa vie, elle a décidé de se plonger dans la littérature, dans la théologie avec laquelle dialoguaient ces auteurs du 19e siècle comme Melville, et c'est là qu'elle s'est plongée dans Calvin. And almost accidentally, as another thing, I became very interested in the American abolitionist movement in the early 19th century, which was overwhelmingly the work of people from New England and New York State, who were overwhelmingly Calvinists. So they articulated this great sacrificial work of liberation in the terms of Calvinism, which again was very moving to me, very much enlisted my imagination. À la même époque, elle s'était intéressée au mouvement abolitionniste, anti-esclavagiste des États-Unis, et beaucoup des gens qui étaient actifs dans ce mouvement, qui étaient à l'origine de ce mouvement, venaient des États de la Nouvelle-Angleterre et de l'État de New York, et ils avaient une culture religieuse qui s'apparentait à celle de Calvin, et ils s'exprimaient dans des termes qui étaient ceux de Calvin. And so, between the aesthetics of my favorite writers and the ethics of my historical heroes, I found myself focusing more and more on Calvinism, on what Calvin wrote and what its implications have been taken to be over time. The more aware I became of him, the more impressed, of course, I was with him as a Renaissance figure who, you know, like Luther, basically created a modern language, you know, and very major modern language. And in the diffusion of his writing really established French as an international language. Oui, donc il y a eu la combinaison de cet intérêt esthétique à travers ses auteurs qui l'a amené vers Calvin et éthique à travers ses problèmes d'anti-esclavagisme. Et elle a découvert Calvin, elle a découvert la langue de Calvin qui est à l'origine du rayonnement du français à l'époque de la Renaissance. And he appealed very instantaneously, really, to many people in England. His work went over into English almost immediately on its publication in French or Latin. Certainly in important instances, I perhaps generalized too broadly, but the institutes and other. Often very refined writers in English translated Calvin. And so the literary influence of Calvin in the English language was profound from the beginning. Oui, ce qui est particulier, c'est qu'il a été très vite traduit en anglais et très bien traduit en anglais par des auteurs, des écrivains qui avaient une plume très raffinée, et donc il a pu avoir beaucoup d'influence en Angleterre très rapidement dans le monde anglo-saxon. In I think I was predisposed to a kind of reading of Calvin by the fact that I saw him first of all through the lens of 19th century American writing, which is profoundly concerned with the operations of consciousness, with how we perceive. The Calvinism as it develops through Jonathan Edwards and through the other writers in that tradition is a theology of perception, really. The belief being, the assumption being, that God addresses us continuously in the way that we perceive. Donc Calvin, il est vu par le prisme de ces auteurs du 19e siècle, et qui est le prisme où on s'intéresse à la perception, ou à une certaine technique d'opération, enfin, operations of consciousness, donc les opérations de la conscience, la perception, comment, and the last thing you say is how God is interested in us. And, God continuously addresses us God, oui, through just, what we perceive or can perceive. Dieu s'adresse à nous de façon continue à travers notre perception, à travers les choses que nous percevons. And since human beings are assumed to be flawed perceivers, there is a continuous tension between the undoubted significance of what we are given to perceive and our flawed capacity for perceiving truly. Mm. So there's the mystery of consciousness, which takes into account the peculiarities of human consciousness as we live with it. Mm. C'est-à-dire que à la fois on sait que ce qu'on perçoit est d'une grande importance, qu'il y a quelque chose qui est significant, qui a un sens, mais on sait aussi que notre perception est faussée à la base. Mm. Donc il y a cette tension continuellement dans nos existences. Mm. And so, I mean, if you look at Moby Dick or virtually anything written in America in the 19th century, there is continuously the sense of experience as revelation. It's over, you know, whether it's Emily Dickinson writing about a fly, you know, or Herman Melville writing about the sea, the scale doesn't matter because the divine implication, as it were, is equal in every case, you know. But then there is simply the problem of human inability to really know this glorious thing that is given to know. Mm. L'expérience est de toute façon révélation, qu'il s'agisse de l'expérience. Alors, comme c'est décrit par Emily Dickinson dans un poème, que ce soit une mouche ou que ce, comme c'est dans, avec Herman Melville dans Moby Dick, que ce soit l'océan, il y a une l'expérience d'une petite chose, une grande chose, et l'occasion d'une révélation. Calvin talks about the tendency of the mind to create icons, to create idols, you know. And, you know, if you watch the process of Moby Dick, for example, or any of them, there's the making of the model of reality. I perceive this, it must mean this. And then the shattering of that model because it has to be displaced by a truer one. Or because it's the hardening of it is the falsification of it. If you think you understand, if you fall out of the dynamic of continual new perception. Oui, pour percevoir convenablement, il faut tout le temps créer un nouveau modèle, mais qui est toujours imparfait. Et le danger, c'est que ce modèle se fige et qu'on s'en tienne là. Or, il faut toujours le briser et recommencer à percevoir à nouveau pour créer un nouveau modèle à chaque fois. Pour pouvoir percevoir convenablement. So it's you can see why in America during the sort of the invention of the country they could be very radical because the assumption of anything becoming a settled truth, you know, something to be completely confided in, was for them a sort of an idolatry, you know. To be certain of something is to be an error, in effect. Mm, but you were talking about those revolutionaries or those people in 19th century American history. Mm-hmm. They are wary or they are falling too easily into this. No, it's very easy for them to. You could make a traditionalist argument. This is how society has always been organized, and they would reply that has no authority at all. Because people make idols of their assumptions, things have to be re-seen in the terms of, you know, what God would will. Ce qu'on a expliqué, ce que tu as expliqué au niveau de la perception individuelle, c'est vrai aussi politiquement. Chaque fois que beaucoup de progressistes américains au 19e siècle, quand on leur disait, mais voilà la tradition, voilà, eh bien, c'est pareil, c'est-à-dire tout ce qui est figé, ça ne donne pas en soi de valeur, au contraire, il faut à nouveau recréer quelque chose. Et, voilà. There's a very influential passage in the Institutes, which perhaps you're all familiar with, where Calvin says, if you are confronted by someone, you must always see him, her, as an image of God. I mean, and I must say Calvin is very specific about the fact that the, as image of God, women are equally images of God with men. I appreciate his pointing that out. But in any case, in encountering any human being, you are encountering an image of God, he says. And he says, if it is someone who wants to kill you, a practical consideration for Calvin, he is still an image of God. And the question is, what question is being posed to you by God in appearing to you in this way, you know? And he says, when you look at any other person, when he's a person who is afflicting you, you see in him, you see Christ waiting to take that person's transgressions on himself. In other words, you know, I mean, and this is a very radical way of perceiving. I mean, way over the horizon of the possible, I think most of us would say. Oui, alors quand tu évoques un passage de Calvin, que vous connaissez peut-être tous, où il s'agit, chaque fois qu'on est en face d'un nouvel être humain, on est en face d'une image de Dieu. Que ce soit d'ailleurs, je souligne, que ce soit un homme ou une femme, Calvin, c'est aussi une image de Dieu. Donc comment réagir face à ça? Et qu'est-ce qui se passe si c'est quelqu'un qui vous veut du mal, qui veut vous tuer, comme ça devait parfois arriver vraiment à Calvin en plus? Quelle est la question finalement que Dieu vous pose dans, face à ça? Et c'est ça qu'il faut se demander. Et alors à la fin, tu as dit que how in what way is it Christ-like to When someone transgresses against you, Christ is waiting to take that person's transgressions on himself. In other words, you cannot hold the person at fault because God wills that person's transgression should be. Voilà. Et quand quelqu'un transgresse contre vous, vous faire du mal, il ne faut pas le prendre personnellement, si j'ose dire. C'est-à-dire que le Christ va prendre cette offense sur lui, et voilà, et c'est ce qu'il faut se dire, voilà. I love that. It's rare that you hear any theologian not say Christ is waiting to take your sins on himself, but to say, you know, that's big thinking. Voilà, en général, les théologiens disent oui, il va prendre ses péchés à soi, mais ce qui est différent là, c'est que les péchés de l'autre, ceux qui transgressent contre soi, c'est, comme tu dis, way beyond the horizon. C'est très rare, c'est assez radical, comme, entre guillemets, comme forme de pensée. When you read Walt Whitman, or when you read Herman Melville, there's a very much a tendency to elevate, to idealize, in a certain sense, character. They become, you know, and it's, you know, that impulse to see a human being in an, you know, they're very human, but they're also divinized in a way, you know. And this is the Calvinist vision. This is the Calvinist humanism. Ces personnages que l'on voit dans ces grands romans ou dans ces contemporains du 19e siècle sont à la fois très humains, mais en même temps, leur dimension divine n'est jamais occultée. Et ça, c'est quelque chose qui est typique de ces grands auteurs. And it's, I mean, and the, for these writers, perception is always an acknowledged fact. You know, I mean, it is true on the one hand that they are seen in this way. It's true on the other hand that the perception that allows them to be seen that way is valorized in the method of the writer. It's beautiful, you know. It's not. Well, I'm getting into it. This is too tricky. Oui, ce qui est beau dans chez ces auteurs, c'est finalement la technique qu'ils ont, ou la manière dont ils justement permettent de nous faire voir le divin dans ces personnages. Hein, It's acknowledged as a mode of perception, in a way. C'est une technique littéraire, c'est une manière aussi de percevoir, voilà, au-delà de la littérature, alors. And the style of that period is very much a celebration of the richness of perception. Oui, donc une célébration de la richesse de la perception. Voilà comment définir le style de cette période. Yes. And I'm going on about this because this is something I aspire to myself. C'est ce qu'elle elle voudrait accomplir elle-même littérairement, voilà. And I admired their style. I admired the technique of metaphor that is so characteristic of writers in that period. I admired the way that they seem so easily to open onto the largest questions, you know. But it was after I began reading Calvin that I began to understand really the theological basis for the largeness of the vision and the very sophisticated treatment of problems of perception and glories of perception and all the rest. Oui, elle avait remarqué les techniques métaphoriques qui permettaient de s'ouvrir à des grandes questions chez ces auteurs, mais c'est seulement après avoir lu Calvin qu'elle a compris la résonance théologique de ça. For the purposes of my own writing, you know, I couldn't write contemptuously of any character. I accept the Calvinist prohibition. I am extremely interested in perception and in the fact that, you know, there's a way in which they were aware of their theology as always pulling them forward. The only true knowledge of God is born of experience, said Calvin. Voilà, donc simplement intégrer littérairement cet interdit finalement de Calvin de ne pas juger avec mépris. Elle n'a jamais de mépris pour aucun de ses personnages dans ses romans. Et the last very last thing you said. What did I say? Sorry. I'll probably repeat myself now. Yes. The only true knowledge of God is born of experience, said Calvin. Right. Voilà, donc la seule. I mean, of obedience. Obedience. It's born of obedience. Obedience, pardon me. Yes. Ce qui traduirait par obéissance, alors parce que je ne sais pas comment Calvin l'a dit, et que la seule vraie connaissance de Dieu qu'on a, c'est en obéissant à Dieu, c'est-à-dire en se soumettant à ses voies. Ouais, oui. Voilà. Yes. And as that develops, you know, as thought, as literature, it means that, you know, I mean, there are two things at work. One of them is the idea that God confronts you continuously and continuously offers you something to see, something to respond to learn from, gives you a new duty, in effect. The other is that you can go into any moment thinking, what have I to learn here? You know, so that it makes you both receptive and active because you feel a demand is always being made. And so the potential importance of any moment is assumed, that, and your obligation is to find the nature of the moment's importance. Il faut sous-estimer aucun moment de notre vie parce que à chaque fois Dieu se confronte à nous, soit en nous posant des demandes donc morales et éthiques, mais soit au niveau de notre perception. Voilà, il y a toujours quelque chose qui est à qu'il faut faire un effort pour percevoir correctement. Et voilà. One implication of that, of course, is that you can't discriminate among experiences in terms of their value or their importance, you know. And when you see Melville writing about common sailors, which would be, he makes a point of the fact that that would be a very unusual thing to do when he was writing, or when Walt Whitman celebrates, you know, the man driving the team of mules and the woman, you know, with her hat on wrong and all these people, just celebrating whoever passes by in the street, you know. It's this, the sort of, on the one hand, the idea of this sort of sacred, the universal sanctity of people, and on the other hand, also that the question of perception is, how do I understand this person mm-hmm. as sacred, you know? Mm-hmm. So the aesthetics of it, it's very democratic, you know, the aesthetic is very democratic in the sense that because it is God that places value in experience, all experience is sacred, you know, and to be re-understood in those terms, to be perceived in those terms. Donc il ne faut pas discriminer parmi les moments déjà mm-hmm. que nous vivons entre quel serait plus important, quel serait plus chargé de sens ou non. Et pareil, ces auteurs-là, esthétiquement, le font à travers leurs personnages. Par exemple, Melville, quand il parle de marins, il décrit des marins de base, il le fait avec le même respect, avec le même sentiment du sacré, que Whitman, quand il parle de gens de paysans qui tirent une mule ou quelque chose comme ça. Voilà, ne pas discriminer et célébrer, au contraire, chaque moment, chaque personne, chaque, voilà, de la vie, tout ce qui nous est présenté, ce qui se présente à nous. So, anyway, I will simply say, you know, people say, well, your novels are set in small towns and not much happens. But a Calvinist can be a miniaturist because we have no reason to assume that one thing in effect has a greater import than another or a greater beauty, or, you know. And it, I think, is characteristic of that tradition to, you know, to do kind of what Emily Dickinson did, you know, to notice the fine, the very fine textures of things, the light, the, you know. And frankly, that comes very naturally to me. I'm happy to have theological reasons to write about small towns where nothing happens. Dans son propre cas, quelquefois on lui dit, mais vous écrivez sur des petites villes, on a l'impression, on pourrait avoir l'impression qu'il se passe pas, petit village perdu, on pourrait avoir l'impression qu'il se passe pas grand chose, mais tout calviniste est un miniaturiste. Il sait voir le sacré et la beauté dans chaque petite chose, comme Dickinson par exemple, dans des petites variations de lumière et tout ça. Donc, et puis elle avoue que ça lui vient naturellement de toute façon d'écrire et de percevoir comme ça. Alors elle est contente d'avoir trouvé une raison théologique de le faire, mais ça, c'est naturel. In any case, I would love questions, if anyone has any. Question. Oui. In English? Oh, English is lovely. I appreciate what you've said about Calvin. I find so interesting that what you said about Calvin seems to be the reverse of the kind of caricatured image of Calvin that you get. Mm-hmm. Typically, mm-hmm. Calvin is thought to be very sort of damning towards the human person. That mm-hmm. we're determined, that we're predetermined. But you say that you read Calvin as a sort of celebration of the human. Absolutely. And I was thinking about that in relationship to mm-hmm. Feuerbach and Gilead. The typical reading of Feuerbach is that he denigrates religion mm-hmm. and he has sort of no use for it whatsoever. But you write so movingly about Feuerbach as being affirmative mm-hmm. and valuing sort of the positive aspects of religion. So it's interesting how you accomplish this kind of reversal of the way in which these theological figures have been received. Well, you know, I have a terrible habit of mind. I tend to think that the prevailing assumption is wrong, you know? I mean, you start with what everybody believes and then you sort of rotate it, you know? And for my purposes, it seems that you always come up with something better. Mm-hmm. Donc, simplement quelques mots en français pour... Vous prenez Marianne a l'habitude de prendre à contre-pied les idées reçues. Par exemple, le monsieur se soulignait que la manière dont Marine parle de Calvin, finalement, ça va à contre-pied. On le voit comme quelqu'un d'austère, qui condamne, qui a des l'humain, qui a des théories sur la prédestination très dures. Et en fait, Marine le voit comme quelqu'un qui célèbre la vie, qui célèbre l'humain. Pareil, dans Gilead, il fait mention de Feuerbach, je ne sais pas comment on prononce en français, mais qui est quelqu'un qui semblerait a priori n'avoir aucun intérêt pour la religion. Or, il n'est pas présenté comme ça dans les... Et en fait, il y a même se pencher sur les choses et en dessous des idées reçues pour voir quelle est un petit peu la vérité qui souvent prend à contre-pied les idées reçues. Ouais. One thing that I would say about the reputation of Calvin is that if you read historically through the characterizations of people who are called heretics, they are the same over and over again, whether you're talking about Albigensians or you know, the earlier you know, heresies that were attacked by Augustine and others, or you know, right the way through, they're always, they hate life and they're severe and all the rest of it, and they've always got a black hat, you know, and all this sort of thing, and that's a very persistent polemic through European history. And people, they, you know, they think, ooh, we don't want to know anything about these people who hate life, you know, and so they don't read the books, you know. But you know, I one thing that really startled me, because I did a dissertation on Shakespeare, and I've read all kinds of historical material from the Renaissance, you know, to write my dissertation, and I was so struck by how clearly Calvin is a Renaissance humanist, mm-hmm. how absolutely consistent with the highest Renaissance estimations of human being Calvin is, you know. And so I try very consciously to encourage rereading of him in that light. He's a great humanist. Oui, souvent, you're saying the people who are described with hating life are the people who burn heretics? No, they're the heretics. Okay. The heretics. They're always the bad people. The ones that get burned are the ones that were intolerant, right? Voilà, souvent, des gens qui ont fait des écrits hérétiques ou des choses, on les présente, des gens qui détestent la vie, qui sont caricaturés, avec ne serait-ce que leurs habits. Donc surtout, n'allez pas voir ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont... Mais en fait, c'est intéressant de le faire. Et ensuite, tu as parlé de the next part of your philosophy was about well, talking about Calvin as a humanist. As oui, a voilà. Et alors, quand tu as fait, quand tu as fait ta thèse sur Shakespeare, hein, tu as lu beaucoup de choses de l'époque pour comprendre le contexte de Shakespeare du XVIe siècle. Et là, il est apparu à Marilyn que Calvin était en fait un parfait humaniste de la Renaissance. Et qu'on ne décrivait pas, alors qu'on ne décrivait jamais comme ça, voilà. I think the... thank you very much. I think that the first chapter of the Institute is one of the more beautiful celebrations of the entirety of human being that you will find anywhere, you know. When he talks about the fact that both men and women are images of God, he talks about the brilliance that you see in the human face, you know, and this is the proof of divinity, and simply the brilliance of human beings as such is a proof of divinity, you know, their ingenuity, the fact that they dream, you know, and that they even solve problems in their dreams, and that they study the stars, all these things. These are the proofs of human divinity, this is profoundly liberating and humanist. La manière dont Calvin décrit dans le premier chapitre des Institutions l'être humain, on n'a jamais ou rarement autant célébré finalement l'être humain, notamment dans ce qu'il décrit comme l'éclat, brilliance, l'éclat de ce qu'on voit sur le visage d'un être humain, ou sa capacité à rêver, à résoudre des problèmes même dans ses rêves. Rien que ça, voilà, c'est rarement on a montré comment le divin se voit sur l'homme, chez l'homme, autant que dans ce passage. There are really, I mean, to simplify, there are two traditions of Calvinism in America. There is the New England, the old school Calvinists, who the people that founded the Ivy League schools, Yale, Harvard, and so on, and who were the abolitionists and so on, who really established the university culture of the United States, had profound influence, reestablishing patterns that they took from Geneva, among other places. And so, but those people never call themselves Calvinists, and they're not aware that they are. You have to really sit down, I have something to tell you. And then there are the people who call themselves Calvinists, and they, frankly, seem, they're better Calvinists in the sense that they have the good libraries of Calvinism and so on. They publish about Calvin and so on. But they are also, I think, rigid in ways that Calvin never was, you know? And that the liberal tradition, the most, I mean, liberal in the American sense, the liberal tradition of American religion is exclusively Calvinist. That is its origin, and that is its ethic. But they have erased the word, so they are not there to be a countervailing source of interpretation. Parce qu'il y a donc deux branches calvinistes aux États-Unis. Il y a celle qui est issue de la Nouvelle-Angleterre, qui est notamment créée toute la culture universitaire américaine, qui est un peu inspirée des premières universités à Genève et tout ça. Mais cette branche-là n'a pas conscience d'être qu'elle ne se revendique pas comme calviniste. Et parfois, il faut même leur expliquer qu'ils le sont sans le savoir, qu'ils l'ont oublié. Par contre, la branche qui se revendique comme calviniste et qui a des bibliothèques calvinistes et produit des écrits calvinistes sur Calvin, eh bien, elle est beaucoup plus rigide, finalement, un peu, malheureusement, un peu moins intéressante. Et puis, donc, il faudrait... Again, I forget the very last thing you said about this, how they should... The last thing you said was... The last thing I said, I wasn't paying attention. The what? Liberal culture. Oui, oui, parce que finalement, toute la culture progressiste américaine, religieuse, eh bien, elle est issue du calvinisme. Voilà, c'est très important. Merci. I belong to a very liberal, in the American sense, Calvinist tradition and Congregationalism, which actually came in the Mayflower. You know, it's one of the oldest religious presences in the country. And I love it very much. I devoted to this tradition. But I'm trying to reinsert an idea of origins into this tradition, so that it will understand it has a history to embrace and not a history to reject. You know, because so much that is best in it would be enhanced by a better understanding of its origins. I'm trying to reintroduce almost European origins into classic American religion. Donc, Marina appartient à cette culture calviniste qui remonte à l'époque du Mayflower et qui est très progressiste, donc, mais malheureusement qui s'est coupée un peu de ses origines, qui les a oubliées et qui les voit même de manière un peu négative, qui les rejette. Et pense que, au contraire, de se pencher plus sérieusement dessus et de comprendre quelles étaient ces origines européennes du Calvin permettrait de les réintégrer, d'en être plus fier et de mieux comprendre finalement aujourd'hui sa propre culture, voilà, et ses propres valeurs. It's the New England Calvinists were tarred with the brush of intolerance, and then you find out what it was they didn't tolerate, and it tended to be slavery. They really didn't tolerate slavery. You know, I can live with that. Parce que souvent on présente ces calvinistes de la Nouvelle-Angleterre comme des gens intolérants, mais la chose en fait qu'ils ne toléraient pas, c'était l'esclavage. Alors ça, c'est ok de ne pas tolérer l'esclavage. Voilà. On peut en être fier. Yes? Je vais poser la question en français parce que ce sera Nelly. Donc pour l'immigration européenne vers d'autres pays, Donc là, vous citez l'exemple de cette communauté en Amérique. Et moi, j'ai un ami qui me dit toujours, oui, toi, tu es calviniste, alors tu es pour l'apartheid, parce que les calvinistes en Afrique du Sud, ils sont pour l'apartheid. Donc ça, c'est une autre vision. Et donc, il me renvoie toujours ça. Donc, il y a plusieurs destins à ce passage de l'Europe vers d'autres continents des calvinistes. Est-ce que vous travaillez là-dessus, sur l'Afrique du Sud? She mentions the fact that her friend, she's Calvinist, and sometimes friends say, oh, you're Calvinist, so like the people who came from Europe to South Africa are Calvinist, and they created apartheid. And so are you interested in the different destinies of the Calvin movements when they came to different countries? Well, of course, but it has to be said that there were Calvinists who were extremely active against apartheid also. And somehow those things, you know, it's the curse of Calvinism, you know. I mean, because we know that every major religious tradition is associated with cultures that, for example, promoted slavery or segregation or racism in one form or another. For example, apartheid, apart is English, you know, and the system of separation was actually established by the British and then adopted by the Dutch, hence this funny word, you know. But for some reason, the Dutch are stigmatized with this in a way that the English are not, you know. We have all sinned and fallen short of the glory of God, right? And there is no religious tradition in this world that does not have disgrace in its history, and even in its present practice, you know. And there were Calvinists who went wrong in a certain part of the world, therefore check off Calvinism. Or there were Calvinists who went wrong, therefore there has to be something wrong with Calvin, you know. If we were to cancel out religious traditions on the basis of historic error, then we would have nothing left, you know. Or religious, political, economic, any category, you know. Human beings are what they are, you know. And, you know. The stigmatizing of any tradition because of any isolated circumstance is clearly polemical, because history is what it is. Pardon me? Il n'y a pas une seule tradition, et pas seulement religieuse humaine, qui ne soit pas compromise par des injustices, par des erreurs, et il y a une espèce de malédiction du calvinisme. Qui souvent, par exemple dans le cas de l'apartheid, bon, alors que c'est, d'ailleurs le mot révèle que des origines anglaises et des origines hollandaises de l'apartheid, bon, on n'en veut pas, on n'accuse pas les Anglais tellement, on voit plutôt les origines hollandaises de ce système. Et en fait, souvent, quand on pointe du doigt le calvinisme pour Calvin dans ses controverses, c'est à des fins polémiques plutôt, et c'est un peu hypocrite, parce que ce serait plutôt on veut s'attaquer au mode de pensée en utilisant, parce que c'est injuste, toutes les traditions se sont compromises et aujourd'hui encore dans des systèmes violents ou des choses injustes, voilà. Yes. Two related questions. One is for the reader who is ready to put their prejudices aside, what would you suggest is the best point of entry in reading Calvin? And sort of opposite of that, if you ever come across something of Calvin's that you absolutely did not like and would have to break with him on? I disagree with him from, you know, here and there, and I think he would probably approve of that. I mean, he himself says, you know, I'm simply at one point in the history of this conversation, I no doubt, you know, have not seen to the end of the implications of reform, for example. I love the Institutes, and I love the commentary on Genesis, and I love the commentary on Deuteronomy, which I frankly have read in the 16th century English translation, which is tough. Therefore, perhaps I love it for the lovely old English as much as anything else. But no, but he's wonderful on the humane laws of the, of Deuteronomy. I like very much his commentary on Micah. There's a social ethic in Calvin that resonates very profoundly with the social ethics of the minor prophets and Isaiah and so on. So all that I think is quite beautiful. The problem with Calvin is that he wrote in an era where polemic was an instrument that everyone had to hand. If you read Thomas More in his attack on William Tyndale, who really is the great poet behind the English language Bible, horrible. And frankly, Martin Luther was known to throw a few punches, So I think one of the reasons that Calvin didn't turn me away the way he does so many modern readers is because I had been reading Renaissance literature and I understood the style of polemic. It didn't shock me, it didn't surprise me. They all did it, it's regrettable, but nevertheless, was the time. Donc, Marilyn n'est pas toujours d'accord avec ce que dit Calvin, mais Calvin serait d'accord avec ça, parce que, si j'ose dire, parce que, bon, il expliquait bien qu'il écrivait un certain moment de l'histoire et qu'il ne savait pas... c'est parti d'une conversation à un moment donné, une conversation qui datait de longtemps, allait se prolonger, il ne savait pas la réforme jusqu'où elle allait aboutir, donc, les écrits qu'elle préfère de Calvin, c'est peut-être ceux aussi où il se préoccupe de questions sociales. Alors, citer par exemple de Deutéronomie, Michée. Je ne sais pas, elle a cité trop, des commentaires de la Bible, Michée. Oui. Voilà, effectivement. Qui lui tient à cœur. Ce qui rebute beaucoup de gens chez Calvin, c'est ce côté polémique qu'il a. Mais à l'époque, c'était le style. On écrivait de manière polémique, de manière très dure. Et quand Marine s'est plongée dans Calvin, ça ne l'a pas rebuté parce qu'elle avait déjà l'habitude, en ayant étudié Shakespeare et les écrits autour de Shakespeare du XVIe siècle, elle savait que ça correspondait au style de l'époque. Donc il fallait prendre ça dans son contexte. Voilà. Anyone have any other questions? Yes? En français, si vous pouvez expliquer l'importance de la famille dans vos ouvrages et comment ça s'articule avec ces sentiments chrétiens, religieux. The importance of the family is part of the understanding. Yeah, how it articulates with the Christian and the religious feeling, basically. Well, I think that I tend to think of family as, I think of being, as sort of resonating with certain metaphors, certain words, and that the Bible and the images of God that we are given are ultimately familial, and that the understanding that we can have among ourselves, of reenacting the sacred in a certain sense. They're very general, but they're also very specific in the sense of being familial, What man, if his son asked a fish, would give him a serpent? The idea that there is a sort of standard of love that can be explored and realized within the sort of the communal circle of the family. That forgiveness and comfort and all these things take their most intense, most universally understandable form in family settings. It's because, if you consider, I'm fair to the man, saying that, that being is a sort of an utterance of God, that he gives us a language, and that one of the words that he gives us is father, mother, son, daughter, and that these things are they are utterly profound because they are in another sense the word of God, you know. Bien, comme si on voit qu'on, parce que la Bible elle est pleine de métaphores, elle résonne, réverbère avec des métaphores. Finalement, la famille, c'est l'idéal, puisque c'est là où les questions de l'amour, les questions, tous les thèmes sont les plus tendus, sont les plus mises en évidence de la manière la plus forte. Et il y a aussi voir que ces mots père, mère, si on considère, et là c'est un petit peu en essayant d'être fidèle à ce que dit Calvin, qu'il voit ce monde, non l'être, comme the utterance of God, alors ce que Dieu prononcerait presque. Voilà, donc on le touche de manière de plus forte, justement au sein de la famille, dans ces relations-là, c'est là que ça se joue de manière la plus forte. One of the things that I really value about Calvin, in my own thinking, is that he doesn't construct a universe. The universe is continuously recreated, continuously expressive of God, you know. you know, I mean, so many traditional theologies, and frankly, I think the more unconsidered theologies that make religion seem naive are, you know, the old man with the white beard, or, you know, the idea of you know, a layered universe with heaven at the top. And but for Calvin, God is always active in a way that engages us at the level of our perception, even at the level, one might say, of our intelligence, you know. That and this is continuously true, and so you can't, you know, I mean, if you think about like modern cosmologies and so on, in which what we are becomes more and more a scrim on God knows what, you know, I mean, a shadow play, you know, and the idea of an unconstructed universe of the kind that Calvin describes, essentially, you know, I think is enormously possible as a modern understanding. Ce que Marine a beaucoup aimé chez Calvin, c'est qu'il ne, contrairement à beaucoup de théologies traditionnelles qui construisent, qui bâtissent un univers figé, c'est que lui, il le voit comme continuellement en train d'être créé, parce que cet univers, c'est finalement l'expression de Dieu. Donc Dieu s'exprime, ne cesse pas de s'exprimer, s'exprime continuellement, en challengeant, alors, en provoquant notre perception et notre intelligence. Et c'est ça qui fait de sa théologie quelque chose de tout à fait particulier. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment? What am I doing now? Reading. Well, you know, I have a strange project coming this summer. I'm going to teach a writing class to 12 theologians, 12 practicing academic theologians who want to improve their writing of their theology. I'm going to do it at Princeton. The 12 students that have been chosen are right across the range of, as it happens, Christian theologians. I have, you know, Catholic and Presbyterian and all. And I think it will be fascinating. I have no idea how I will do it. I hope I'm helpful. But in any case, to listen to this conversation, to watch it, and to see how they self-define as theologians and so on, I think will be fascinating. Un des projets de Marilyn, c'est cet été alors, this summer? This summer, yeah. Coming right up. À Princeton, on lui a demandé d'enseigner un petit groupe de 12 théologiens chrétiens, mais de toutes les confessions possibles et imaginables, comment écrire mieux, voilà. Et alors, elle ne sait pas comment elle va s'y prendre, mais elle est déjà passionnée à l'idée de les entendre dialoguer entre eux et de savoir comment ça va se passer. Yes. Je sais pas, est-ce que vous connaissez le roman de Dan Cuneo, Le Maître de Garamond, qui explique au XVIe siècle toute la naissance qui demande des imprimeurs, etc., comment ils risquaient leur vie pour effectivement publier des textes proches de la Réforme. Ou de la Réforme. Et c'est vraiment intéressant parce que ça va dans le sens de ce que vous faites, mais ça montre bien le contexte historique au travers effectivement de la mort de celui qui a été un grand imprimeur et qui a formé Garamond, donc l'imprimeur, et qui a gardé cette lettre aujourd'hui, ou cette manière d'utilisation de lettres. This sounds like something I'm not familiar with and would very much like to be familiar with. But you can translate anyway. Into English. Oui, voilà. Non, mais non, elle ne connaît pas, mais elle a très envie de découvrir, en tout cas, d'après ce que vous en dites. Yes. What is the name of the writer? Cuneo, le nom? Oui, c'est Anne Cuneo. Une vaudoise du canton de Vaud, en Suisse. Ah, d'accord. Anne Cuneo. Donc, je vous écrirai tout à l'heure. Thank you. Voilà, c'est le pays de l'imprimerie. Voilà, c'est encore une. Voilà, merci beaucoup, Madame Robinson, à Simon Baril d'avoir fait. Essayez-vous. Et voilà, qui s'est. Merci beaucoup d'être venu.